On the Rocks, c'est une émission vraiment pour le peuple. On the Rocks, même à l'envers, On the Rocks, on peut la faire. Rock, pop, folk, radio show depuis 1992. www.onzerocks.net. Ouais! Quelqu'un d'être tout à fond, que je vous fais chier à laisser vos merdes. Qu'est-ce que tu crois que ça va être? Tout à fond! Le rock, c'est tout à fond! Rock and roll. I've been done, I've been done. Wow! On the road. Wow! Rock and roll. Oh, j'ai eu une pêche, les gars! Wouh! Bonsoir à tous, c'est Manu dans The Rocks comme tous les lundis soirs de 19h à 20h30, c'est les horaires actuels, on ne sait plus où on en est dans les horaires, mais en tout cas là c'est 19h-20h30 et le monde entier en parle depuis des semaines. Et oui, c'est une année, cette année aura été marquée par Sokoï Fever, et oui, puisque 2021 est une année Sokoï Fever, tout le monde le sait, tout le monde le dit, et j'ai la chance ce soir d'avoir avec moi pour en parler le grand Sylvain Frémaux. Bonsoir. Salut Manu. Comment vas-tu? Ça va. Il va tomber. J'ai mis des cales pour qu'il ne s'écroule pas. Car c'est une année Sokoï Fever. Oui, 20 ans de Sokoï Fever, si je ne m'abuse. 20 ans du nom Sokoï Fever. Oui, Kalitsa, 48 ans. À peu près, ouais. Ouais. Et donc, plein de choses à venir. Alors déjà, je suis absolument ravi de te retrouver dans ces studios parce qu'on a l'impression que c'est la vie qui revient, soudain. C'est le retour de la vie. C'est le retour de la vie et il est frais comme un gardon. Il est là, il est venu avec plein de morceaux pour une battle. Mais on va parler un peu des Sokoï juste après. Alors, juste maintenant, tiens. Il va y avoir donc une grosse année Sokoï Fever puisque un album live, Best of Live, sorti, qui va sortir, qu'il est bientôt sorti. Ouais, avec vidéo, en fait. Ça va être comment dire? On a enregistré à l'Astrolab il y a quelques semaines un set de vieilles chansons, enfin de chansons qui balaient un peu toutes nos années, les 20 dernières années et plus en fait. Donc on a remis au goût du jour des vieilles chansons qu'on n'avait pas jouées depuis très très longtemps. On a fait une captation avec de la vidéo. Voilà, donc on a fait 3 sets qu'on a enregistrés sans public. Voilà, en fait, on a téléporté notre local de répète sur le plateau de l'Astrolab avec nos tapis, nos enceintes. Ça a été compliqué à faire comprendre aux techniciens de l'Astro qu'on voulait pas de retour, qu'on voulait notre sono pourri pour jouer en cercle. Du son, ça qu'il fait faire quoi. Ouais, voilà. Le son enregistré en multipiste que j'ai mixé, donc ce qui va donner une compile live en fait, revival live. Ouais. Et puis la vidéo qui va être utilisée soit en saucissonné en séquence de une chanson par chanson et puis en format long, sachant que il y en a pour une cinquantaine de minutes à peu près du truc. Voilà. Un set, quoi. Un set, ouais. La captation vidéo elle est intéressante parce qu'on est resté sur notre fin l'année dernière. On avait fait, il y a un an jour pour jour en fait, à la fête de la musique l'année dernière, on avait été enregistré en direct par les caméras de l'Astro. Le résultat nous plaisait moyennement. J'étais devant ma télé, je me souviens, ouais. Sur ma grosse télé. On voulait quelque chose qui soit plus dans la proximité, enfin voilà, un peu plus chiadé en termes de mise en scène, je sais pas si c'est le mot, mais voilà. Donc là, il y avait pas mal de caméras autour de nous avec des. On voulait pas de trucs, comment dire, charcuter avec un changement de plan toutes les secondes aussi, quoi. On voulait aussi que ça puisse prendre le temps, on voulait plusieurs angles de caméra, enfin voilà. Ce qu'on a pu faire. Là, la vidéo est en cours de finition, d'étalonnage, je sais pas quoi. T'as un œil? Hein? T'as un œil là-dessus? J'ai reçu une version du montage, j'ai dit ok, voilà. Et puis le son, j'ai fini de le mixer ce week-end. Mixé, masterisé ce week-end, donc voilà, c'est tout frais. Oui, alors moi j'ai posé l'oreille dessus hier soir, on a l'impression d'être en live avec vous. Alors, je vais diffuser un morceau là, maintenant, tout de suite, qui était le I Hate You, qui est effectivement un vieux morceau, mais qui fait pas son âge. 1996, cette chanson. Ah, il fait pas, ça, c'est très très frais. Mais alors, je sais pas si c'est moi qui me suis emmêlé les pinceaux dans le master, dans l'échantillon. Enfin, bon, bref. J'ai l'impression que c'était un peu lent, j'ai raccéléré. Je suis comme ça, j'accélère les morceaux des gars. Donc on va peut-être, checker avant de vous le diffuser. En tout cas, il y a cet album-là qui va sortir avant le nouvel album. Enfin, cette vidéo va sortir avant le nouvel album. Alors là, on sait pas, on sait pas. Je sais plus, j'en perds mon latin. Parce qu'il y a, on a un album aussi studio qui est prêt depuis quelques mois. J'ai eu l'honneur de poser l'oreille dessus. Il est vraiment très très bien. Merci beaucoup. Il faut qu'on fasse la pochette. Voilà. L'idée c'était de sortir cet album en septembre. Enfin voilà, à peu près la rentrée. Donc je sais pas dans quel ordre tout ça va sortir. Tout est prêt. Tout est cuit. À peu près prêt. Tout fini de mijoter, ça va sortir un peu dans tous les sens là dans les mois qui viennent. On a en plus dans les tuyaux un documentaire. Oui, j'ai été interviewé ici même dans ces studios. Et ben voilà. Voilà. T'as pas vu ça encore toi ? Ben non, j'ai pas vu. Ah, tu sais pas ce que je raconte. Donc ça c'est pareil, ça va sortir en petits morceaux. Voilà, donc ça va être une mitraillette. Sur Cold Fever, là, ça va être la fin de l'année, ça va être en rafale quoi. Ouais. Ouais. Bon, et ben en tout cas ce soir on va se passer déjà un morceau du live si on arrive à le choper à vitesse autrement que Speedy Gonzalez. Un petit coup de cœur pour démarrer et puis ensuite c'est une battle parce que t'es pas venu là non plus que pour parler. Moi, je suis venu pour la baston. T'es venu pour la baston et la baston ce soir c'est Renaissance parce que c'est vrai qu'on a l'impression de renaître un petit peu à chaque fois qu'on finit une émission ensemble et généralement dès qu'on finit une émission ensemble il y a une cinquième vague ou une sixième vague qui vient derrière. Donc ressortez vos masques. C'est parti. Cette nouveauté s'appelle David Mir. Je ne sais pas si tu connais. Pas du tout. Moi non plus. C'est une sorte de power pop très très fraîche pour l'été. Ça vient de sortir. Mais on a l'impression que c'est très vieux aussi, mais ça vieillit bien. Je pense que ça devrait te parler. C'est plein de petites fleurs, mais c'est joli et c'est très bien foutu. David Mir, We Want It to Shine, c'est le coup de cœur ce soir et spécialement pour toi, mon cher Sylvain. Merci. We want it to shine. Voilà, c'était le coup de cœur avec David Meir dans The Rocks avec We Wanted to Shine. Ce soir, je suis avec Sylvain Trémaud des Sokoï Fever qui vient me proposer ses petits morceaux. Un peu, c'est un peu audacieux de sa part pour cette petite battle qui s'appelle Renaissance dans The Rocks. Alors, on va tenter de se passer un morceau tiré de l'album, je sais comment on dit, l'album live anniversaire. Je sais pas comment ça va s'appeler, je sais, j'en ai aucune idée. D'accord. Sur mon ordinateur, c'était marqué live 30 avril 2021, ou je sais pas. Et de jouer devant personne? C'est facile d'avoir la niaque et le... Ouais, sans problème, on a l'habitude de ça. Et de choisir les morceaux, parce qu'il en fallait combien? Il en fallait 15? Bah là, il y en a 15. C'est démocratique ou... Certainement pas. Bah c'est ça, c'est ce qui me semblait. Non, en fait, une partie des chansons, c'était vite vu, parce que dans les derniers sets qu'on jouait, il y avait déjà des vieilles chansons, donc on s'est pas trop cassé la nénette. Ah ouais, d'accord. L'idée, c'était d'avoir un panel un peu sur toutes les années, donc... On avait des morceaux du 5 titres qu'on a sorti l'année dernière, avant la fin du monde. Il y avait déjà des vieilles chansons, donc c'est là. Finalement, des chansons qu'on jouait plus depuis très très longtemps. Il y en a 6 ou 7 là qu'on a choisi assez vite, tout simplement en prenant les disques parmi les cartons qui s'empilent dans notre local. Ouais. Assez vite, on a dit celle-là. Il a fallu apprendre les morceaux à Nico, notre nouveau bassiste. Nouveau depuis déjà 2 ans et demi. Hein. Et puis, on les a répétés spontanément tels qu'on les jouait la dernière version en place. Sur certaines, il y a des choses qui coinçaient un peu. Donc, on a mis des coups de ciseaux à droite à gauche pour que ça décoince. Voilà. Ça s'est fait assez vite. On a répété intensément. Disons qu'on s'est consacré qu'à ça pendant les 2 mois, ouais. 2-3 mois qui ont précédé l'enregistrement. Et puis voilà. Bon, alors j'ai failli passer Mr. B parce que c'est un de mes surnoms, Mr. B. Donc j'ai l'impression qu'elle est faite pour moi, mais pas du tout en fait. Et donc j'ai pris I Hate You, que j'aime beaucoup depuis très longtemps. Alors je lance, et si c'est pas du tout la bonne vitesse, tu hurles. Je fais des grands signes des bras si c'est pas la bonne vitesse. Il y a un pi au départ. Voilà. Je savais ça. C'est bon. Every time I see you, every time I think about you, I'm about to vomit up my guts. You're such a blessing for me. You'll better everybody waiting for the day of my death. I hate you. Gros son. Bah pourtant, il y a qu'une guitare, une basse, une batterie, une voix. Il n'y a aucun heureux sur les trucs. Je me suis amusé un petit peu au mixage sur certaines chansons, avec l'écho notamment. Ouais. Mais il n'y a aucun rajout d'instrument en fait. Voilà, il y a des événements, ce que j'appelle des événements supplémentaires, qui sont les trucs joués en direct qui passent dans l'écho. Mmh. Mais là, en l'occurrence, sur cette chanson, il n'y a rien de bien sorcier. Non, il y a... Ouais, bah en tout cas, c'est jouissif et ça donne à nouveau envie de vrais concerts avec des vrais gens. Vrais concerts avec les vrais gens. Pour l'instant, le seul qui est prévu, c'est à la Sardine, début septembre. Ah, bien ça. Le déjà, 3 je le note. Septembre, je crois. Un vendredi soir. Ok. Voilà. Bon, bah nickel. Je te propose de revenir au mois de septembre pour nous parler de tout ça. Mais et là, on fera une spéciale Sokoï, tout ça. Mais hein? Voilà, parce que là, il y a de la battle. Ce soir, c'est autre chose, voilà. C'est bagarre. Là, c'est bagarre. Donc, le thème, c'est Renaissance, et c'est toi qui ouvres. C'est moi qui ouvre. Oui. Renaissance, comeback, survivant, retour. C'est ça, hein, c'est ça. Pour moi, le truc qui m'a sauté à la tête à propos de Renaissance, c'est le 68 Comeback Special de Elvis Presley. J'ai failli. Bah, quand même. C'est un petit peu évident. Bon, j'ai pas résisté. Je me suis dit que tu l'aurais aussi. Et ben, j'ai vraiment failli avec le petit ensemble en cuir bien saillant. J'ai failli m'habiller pareil d'ailleurs. Ouais. Pour l'instant, je suis encore avec mon peignoir, mais dessous j'ai mon vêtement de cuir. Que dire sur ce 68 Comeback Special? En fait, ça faisait des années que Elvis Presley était englué dans une carrière cinématographique complètement sirupeuse, sans intérêt, ni en nion. Enfin voilà, des films débiles. Naze, avec des bandes son sans Cleo. Intérêt, quoi. Voilà, après la première période qui s'est terminée avec son service militaire, bon, il était un peu aux fraises. Et puis. Donc en 68, cette émission télé, ce qui était une émission de Noël en fait, spéciale sur NBC je crois, grande chaîne nationale. Et l'idée c'était de remettre Elvis Presley avec ses vieux comparses. Ouais. Alors, c'est les musiciens des débuts, hein, ouais. Scotty Moore, Studio, ouais. DJ Fontana et puis les autres, je sais plus comment ils s'appellent, mais c'est le groupe originel. Et puis ça sent d'ailleurs la complicité entre eux. Ouais, c'est ce qui est formidable, c'est que ça fait un peu réunion de vieux briscards. Ouais. Le plateau est minuscule. Tu bois quelque chose? Ouais. Il y a une table basse au milieu, des chaises qu'on croirait sorties du couloir. Le plateau est vraiment tout petit, quoi. C'est un carré de 3 mètres sur 3, quoi, maximum. 4, allez, avec des fans autour, assis un peu au pied de cette estrade-là, qui dévore des yeux Elvis Presley. Et pourquoi? Parce qu'il est magnifique, quoi. Et voilà, c'est juste avant le déclin, quoi, physique. Ouais, ouais, il est beau comme un dieu, quoi. Je sais pas quel âge il a, en 68, dans les 35 ans, avec son costume en cuir, là, c'est incroyable, le sex appeal, quoi. Ouais. Et puis, alors, et en même temps, c'est franchouillard, pépère, quoi, ça fait feu de camp. Et puis, il y a c'est drôle, quoi. Il cabotine entre chaque chanson, il se raconte les vieilles anecdotes. Enfin, voilà, c'est vraiment hyper, hyper plaisant à regarder. Puis, alors, d'ailleurs, je trouve que c'est plus plaisant à regarder qu'à écouter. Parce que j'avais l'album. Oui, c'est vrai. Et l'album est à peu près inécoutable. Parce que ça se marre, ça coupe les morceaux au milieu, vois quelque chose qui s'éclaire pendant des cahuètes. Mais quand tu les vois, c'est vraiment réjouissant. Et puis, la plupart des chansons sont en mode acoustique. Ouais. Voilà, c'est guitare. Faut de camp. Donc ça envoie pas du lourd, quoi. Ouais, ouais. Au niveau du son. C'est vrai que c'est tranquillou. Mais les images valent leur pesant de cacahuètes. Puis c'est ce qu'a relancé la fin de carrière. Ouais. Enfin, il y a eu quand même une belle période là entre 68 et puis je sais pas début des années 71, enfin, 70 quoi, 71, 72. Ouais, à l'époque après. Avant qui sombre complètement. Dans le beurre de cacahuète. Ouais, voilà, c'est ça. Avant qui se fonde dans le beurre de cacahuète. Donc voilà, j'ai choisi. Cet épisode-là. That's alright, premier morceau, un des premiers morceaux gravés par Elvis Presley. Ouais. D'ailleurs, il explique dans l'intro. Eh ben, je vais le laisser parler, peut-être il le dira mieux que moi. The first thing that we recorded. Ah bah, on en cause. The very first thing was an old rhythm and blues type song. And if I fall asleep here, I'll just give. There's an old rhythm and blues type song called That's Alright, Little Mama. And we only had two or three instruments at the time. And we had a guitar, a bass, and another guitar. And it went like this. Well, that's all right, mama. That's all right with you. That's all right, mama. Just behave the way you do. That's all right. That's all right. Ça tricote derrière, ça tricote. Ouais, c'était des tueurs, les mecs. Hein. Ouais, ouais. Bon, bah, ça, c'est bonne idée. Voilà, un point, je te le donne. Ah, c'est Elvis Presley, donc, that's right, mama, gainé de cuir. Et ben, moi, je vais revenir à quelque chose d'un peu plus récent, on va dire, avec quelqu'un qui a surfé au départ sur la vague un peu punk ska de la fin des années 70, en faisant deux, trois albums qui étaient vraiment dans cette veine. Il s'appelait Joe Jackson. Mais comme il le disait lui-même avec sa modestie habituelle, j'étais un peu trop qualifié pour le punk. Donc très très vite, après ces trois premiers, et surtout les deux premiers qui s'appelaient Look Sharp et I'm the Man, qui étaient vraiment des chefs-d'œuvre, avec son Joe Jackson Band, composé de lui-même, de Dave Houghton à la batterie, de Graham Mabey à la basse et de Gary Sanford à la guitare, eh bien il a viré tout le monde, il a gardé juste le bassiste sur toute sa carrière. Et il s'est perdu parfois trouvé dans des styles très différents. Alors la salsa avec boîte à rythme, je fais un album de jazz à la Cap Calloway, je fais un album où il n'y a pas de guitare dessus, je fais un album symphonique complètement pourri, enfin voilà. Pendant des années et des années, il faisait tout sauf du Joe Jackson comme au départ, il évitait soigneusement de faire ça. Et puis nous, on bavait tous en attendant qu'il revienne à ça. Et bien un jour, on ne sait pas pourquoi, en 2003, il avait donc fait trois albums à la fin des années 70. Le troisième, Beat Crazy, était un peu moins bon, mais quand même. Et bien il revient en 2003 avec Joe Jackson Band, volume 4, avec voilà, un petit potard avec le volume sur 4. Et avec sa tête de papy, eux, ils commençaient tous à avoir des têtes de papy. Il s'est dit, tiens, bah, puisque personne m'attend là et que tout le monde l'attendait, mais plus personne n'attend, bah, je vais refaire un album comme au début. Eh bien, c'est pas trop mal foutu. Il y a quelques morceaux qui font honneur à son glorieux passé, en particulier l'album, le morceau qui ouvre l'album qui s'appelle Take It Like a Man, qu'on va se passer maintenant. Et là, c'était un peu une renaissance du Joe Jackson Band, absolument improbable. Tu l'aimes bien, Joe Jackson. J'adore. Et enfin, j'adore pas tout, parce qu'il y a des trucs que je déteste, mais il y en a. Ouais, j'aime bien aussi les trucs. Voilà. C'est chouette. Alors, je sais pas si tu connais cet album. Pas du tout. Moi, j'ai vraiment les deux premiers, là, Look Sharp et And the Man. Bah voilà. Donc, il a essayé de refaire un petit peu la même chose avec de l'arthrite, et ça donne ceci. Pas mal les papilles. Ouais, ouais. C'est marrant la basse, la ligne de basse qui rappelle vraiment les premiers disques. Ouais. C'est une ligne très reggae en fait. Graham Maybe, ouais. Qui est passé à l'Astro d'ailleurs. Je savais pas que c'était lui au concert de Chivari. Quand Chivari était passé à l'Astro, c'était Graham Maybe qui l'accompagnait sur scène. Voilà. D'accord. Voilà, je sais pas si vous avez vu la tête de Joe Jackson maintenant. Non, il a une tête encore ? Il a une tête un peu. Je pense qu'il va chez le même coiffeur que les Bogdanov. Un peu. Un petit peu peur. Mais bon. Donc c'est pas le même chirurgien, c'est vrai ? Si, bah si, justement, c'est le problème. je suis toujours avec Sylvain Trémaux, alias The Prize des Sokoi Fever, qui vient avec des petits disques avec une battle qui s'appelle. Ça fait du bien de dire ça quand même, de faire une petite battle. Ouais. Qui s'appelle Renaissance ce soir, ou Retrouvaille, ou Comeback, ou Tiens, c'est toi à nouveau. Tiens, t'as pas que tu fous là. Bah oui. Ou alors, tiens, viens donc refaire de la musique avec moi, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait. Exactement. Ouais. Et ça va être le cas pour ton morceau. Tout de suite. Je vais muscler un peu le jeu avec The Stooges. Ah oui. Iggy and The Stooges. C'est vrai, ils sont où ? Donc, un des plus grands groupes de rock de l'histoire de l'humanité du rock, qui avait sombré dans le mi-temps des années 70, dans la fureur et la drogue. Bon, après, Iggy Pop a bien continué, évidemment, a fait une carrière exceptionnelle. Et puis, en 2003, Il a sorti ce disque qui s'appelait Scullering à l'époque. Et l'idée de ce disque, c'était de faire des chansons avec des musiciens éparses, en s'appuyant un peu sur la jeune garde de l'époque. Ouais. Il y avait des chansons avec Green Day, par exemple, d'accord, des groupes comme ça. Ouais. Et dans le tracklisting, il y avait quelque chose qui n'est pas passé inaperçu, trois chansons signées The Stooges, quoi. C'est vrai. Avec à la guitare Ron Ashton et à la batterie Scott Ashton, c'est-à-dire les frères Ashton, qui étaient dans les membres fondateurs des Stooges, qui n'étaient pas dans la dernière mouture du groupe dans les années 70, parce qu'ils étaient un peu rincés, un peu cramés. Et en fait, Iggy Pop allait les chercher comme ça, des années après, dans leur bungalow, au milieu de leur pack de bière et de leur carabine à plomb, quoi. Et ils ont reformé The Stooges, quoi, comme au début quasiment, avec la même verve. C'est peut-être un petit peu présomptueux de dire ça, mais l'esprit était là, avec des chansons qui étaient pas mal du tout. Et puis là-dessus, le groupe, enfin Iggy Pop a tourné avec les Stooges en fait pendant quelques années après ça, en jouant le vieux répertoire, enfin le répertoire des deux premiers disques, c'est-à-dire les disques où jouaient les frères Ashton. Ouais. Parce qu'après il y a eu Rap Power le troisième avec James Williamson, puis après un autre répertoire. Là c'était l'idée vraiment de reprendre le truc là où il s'était arrêté en 70 quoi. Quasiment. Cradingue pareil, Sauvage pareil. Quelques kilos en plus chez les frères Ashton. Pas chez Iggy, non. Non. Et puis un disque en fait produit par Steve Albini à l'époque, qui était un peu le grand sorcier des groupes à guitare des années 90 et suivantes. Un disque pas mal, ça fait bien peu d'ombre aux premiers albums, sachant que Funhouse est un chef-d'œuvre absolu quoi. Enfin là, s'il y a un disque à écouter des Stooges, pour moi c'est Funhouse. Mais c'est un disque correct quoi. Et ce qui est étonnant, c'est que après cette renaissance du groupe, Ron Ashton est décédé. Oui. Bêtement. Donc, Je sais pas comment, mais c'est toujours bête. C'est toujours bête. En fait, Iggy Pop s'est pas cassé la nénette. Il allait chercher James Williamson de la même manière qu'il était allé le chercher 30 ans plus tôt, quand Ron Ashton pouvait plus jouer de guitare. Qu'on a toujours les mêmes réflexes. Voilà. Donc, The Stooges est devenu à nouveau Iggy and The Stooges, comme 30 ans plus tôt, avec quelques années de tournée après, avec le répertoire de Iggy and The Stooges, c'est-à-dire les albums suivants. Ouais. Et jusqu'à la mort de Ron Ashton, en fait. Bêtement aussi. voilà. Et donc, ce disque, c'est, je sais plus, 2006-2007 à peu près. D'accord. Donc ça, c'est celui qu'il a fait avec les deux frères Ashton. Ouais. Là, c'est... Parce qu'il y a eu un autre disque qui s'appelait Ready to Die, d'ailleurs, peu de temps avant la mort de Scott Ashton, avec ce coup-ci James Williamson. D'accord. Dans un mouvement plus James Williamsonien. Que Ashtonien. Voilà. Alors, puisqu'on parle des Stooges et des Sockeye Fever, les hautes instances de Sockeye Fever m'ont demandé et proposé de faire une petite setlist, playlist sur Spotify, spéciale Sockeye Fever. T'as entendu ça? Ouais, je l'ai même vu. D'ailleurs, je dois faire la même. Et il y avait plein. T'as mis plein de morceaux que je voulais mettre. Ah, c'est vrai. Mes problèmes. Bon, donc ça t'a convenu. C'était bien. Il y avait du Stooges, si ma mémoire est bonne. Mais Stooges, vieille formule. Voici les Stooges. Déjà ancien, mais plus récent. Ancien, ouais. Il vous a tout expliqué. Normalement, vous avez tout bien compris. I'm gonna make you mine. Ah, c'est très étrange, ça. Ça, alors, en même temps, dès le départ, tu dis oui, c'est les Stooges. Et en même temps, on dirait des gens qui jouent comme les Stooges. Ouais. Enfin, c'est... En fait, ils ont, comment dire, ils... C'est un peu trop propre presque dans le refrain, dans le... Ouais. Je sais pas, c'est, mais c'est bien, c'est super un... morceau, mais. C'est un ordinateur, si tu veux, qui a, synthétisé les Stooges. C'est ça. Hein, c'est, un algorithme, en fait, ouais. qui a créé un nouveau morceau des Stooges. C'est pas. Bon, voilà. Donc c'était une jolie renaissance avant ouais, le... Ouais, ouais. Voilà. Alors, c'est pas mal. Puisqu'on était en train de parler des renaissances juste avant la chute finale, eh bien voici quelqu'un qui a fait très fort aussi. En 1980, c'est John Lennon qui, après une carrière solo qui a brillé de mille feux pendant les deux premières années de sa carrière solo, puis ensuite ça s'est un peu englué, il y avait des albums un peu plus dispensables et puis des albums carrément mauvais, on peut le dire, avec une grosse foirade avec Phil Spector pour cet album de reprise de rock'n'roll qui vraiment... Ben... Moi je l'écoute encore des fois, ça. Ouais, ben alors quand on pense que c'est le même gars qui faisait Twist and Shout, c'est pareil, c'est un petit peu, c'est un petit peu édulcoré cette histoire. Un album qu'il a fait pour rembourser Chuck Berry de l'avoir piqué un petit peu comme Together, tout ça. Bon, donc ça partait un peu en cacahuète, puis lui partait en cacahuète. Personnellement, il s'est fait lourder par Yoko Ono qui lui a dit tiens, je te donne, tu vas prendre une nouvelle nana, puis c'est moi qui te la donne. Donc il a fait un Lost Weekend qui a duré un peu de temps où c'était de la beuverie avec Harry Nilsson et Elton John pendant des semaines et des semaines où il faisait scandale partout où il passait. Et puis voilà, on le croyait un peu perdu pour la cause, il revenait avec en 1980 avec cet album qui s'appelait Double Fantasy, qu'il était enregistré au moment où il s'est fait descendre devant le Dakota Hotel, mais il était déjà finalisé cet album. Et bah il y a des très bons morceaux sur cet album de John Lennon et en particulier sur une version qui est sortie qui s'appelle c'est un peu la mode depuis un moment de prendre les chutes de studio un peu plus près de l'os sans fioritures et de les ressortir pour cet album là Double Fantasy. Alors vous virez tous les morceaux de Yoko Ono, évidemment, comme d'habitude, un morceau sur deux à dégager. Mais si vous prenez les morceaux de John Lennon sur cet album qui s'appelle Stripped, je crois, bah c'est vraiment, on retrouve sa hargne, sa niaque, son espèce d'esprit frondeur sur le morceau, avec sa sensibilité derrière. En particulier ce morceau qui, sur l'album vraiment Double Fantasy, est un peu, voilà, comme tous les morceaux de cet album, un peu surproduit, un peu, hein, voilà, mais là, dans cette version-là, on retrouvait le grand John Lennon et c'était vraiment son grand retour, on peut dire. Et puis, manque de chance puisque l'album n'était pas encore sorti et il s'était fait descendre déjà. Ah, tu parles d'une renaissance, toi. C'est une... ouais, c'est ça. Alors, c'est pas pourquoi, qu'est-ce que ça se fait? Le mec, il se fait assassiner juste après sa renaissance, c'est quand même, c'est bête. C'est ça. Mais il y en a plein comme ça. Hein. Voilà, donc là c'est vraiment l'exemple type. Ah, il revient, ah ben non, ah, trop tard, tant pis. Alors que Iggy Pop, lui, continue à jouer les crooners avec son petit smoking blanc, tout ça, il fait des trucs. Bon voilà, voici I'm Losing You, donc de John Lennon, 1980, année de la renaissance et de la mort de John Lennon. Je sais pas si tu connais cette version de I'm Losing You, mais... Non. Eh ben tu vas voir, c'est pas mal du tout. Vous êtes dans The Rock, c'est ce soir avec Sylvain des Soccer Fever, c'est la battle spéciale renaissance. Count it, Andy. Beautiful, beautiful. I don't remind you of all that bad, bad, bad stuff. So what the hell am I supposed to do? Just put a band-aid on it and stop the bleeding now. Stop the bleeding. John Lennon 1980, donc qui avait l'air de s'amuser un petit peu. Bah, c'est déjà en chantant ça. Ce morceau. C'est déjà ça. Bon, ouais. Je sens que je n'ai pas marqué un point là. Ça va être pire après pour moi. Toujours en compagnie de Sylvain des Sokoï Fever avec cette battle spéciale Renaissance et c'est à lui. Vas-y, maintenant. Je voulais arriver là si tôt, mais tu m'y forces. Il va falloir qu'on parle des Rolling Stones maintenant. Ah oui, c'est vrai. Bah oui. Avec ce qu'on peut considérer comme une renaissance au plan créatif et au plan scénique, c'est le retour aux affaires en 69 en fait, qui coïncide avec la mort. Enfin, c'est souvent une mort ou une petite mort pour qu'il y ait renaissance. Pour faire des mains, en l'occurrence, celle de Brian Jones qui a fait un peu l'étoile dans sa piscine trop longtemps. Qui n'a pas mis les brassards. Et ce qu'on oublie aussi souvent quand même, c'est que les Stones en 69, on parle souvent de la fin des concerts des Beatles, mais on oublie que les Stones pendant 2 ans et demi ont pas joué un concert en fait. Ils sont un peu empâtés, je sais pas, mais ils sont retournés un peu aux sources de leur musique, c'est-à-dire au blues. Ils ont essayé des trucs en studio. C'est cyclique hein, d'ailleurs. C'est cyclique. Ils reviennent souvent au blues. Bah oui, quand même. Ah oui. Ouais. Et donc, 69, c'était le retour à la scène. Manque de bol, mort de Brian Jones quelques semaines avant. Donc, il a fallu trouver l'homme de la situation, à savoir Mick Taylor à la guitare. Toi, t'étais pas né, par exemple. Moi, j'étais pas né. Voilà. Toi non plus. Non, mais moi, je joue pas de guitare, moi. Toi, tu joues pas. Je nage mieux que Brian Jones, mais je joue moins bien de la guitare. D'accord. Mais sinon, t'étais né, toi, en 69? Non, 72, moi. D'accord, ok. Et toi? Non, j'étais pas né. Non, ni en 72. Enfin bref, ça se voit pas. Ouais, vraiment, ce retour à la scène, ça inaugure aussi l'âge d'or des Stones. Enfin voilà, les années magiques avec les albums extraordinaires qu'on suivit. Merci Mick Taylor. Merci Mick Taylor, mais pas que Mick Taylor. Quand même. Ouais, bien sûr, si évidemment, Mick Taylor a amené une nouvelle approche dans les concerts surtout en fait. Un peu de dentelle quoi. Un peu de dentelle et puis cette double attaque de guitare où chacun avait son précaré où Keith Richards pouvait tricoter ses riffs avec Mick Taylor qui emmenait sa dentelle pour faire décoller les morceaux. En studio, la marque de Mick Taylor est moins évidente. Alors évidemment, il y a quand même sa guitare, mais ce qui a surtout amené du sang neuf, c'est les musiciens additionnels quand même. Et puis et puis plus de temps pour faire les disques aussi, et puis un élargissement de la panel sonore quand même. On est au château d'Hérouville là, c'est les années, c'est non, ça non, ils ont jamais enregistré à Hérouville d'Estonie, ah bon, à ma connaissance. Non, d'accord. Ils ont enregistré dans la villa Nelcote de Keith Richards à Villefranche, dans le sud de la France. Ok. Hérouville, non, ils sont pas. Ah, je croyais qu'ils étaient passés à Hérouville. Non, ils sont enregistrés sud de la France. Et donc, j'ai choisi un morceau emblématique de ce retour aussi, parce qu'il y a eu aussi des égarements. Un peu en réplique à Sgt Pepper, ils ont voulu la jouer psychédélique, c'était pas trop leur truc. C'était pas leur meilleur. Donc il y a eu avant le Beggar's Banquet, avant Sympathy for the Devil, il y a eu Jumping Jack Flash, il y a eu singles là qui ont vraiment relancé dans une veine très rock, quoi, très urbaine, très brutale. Et avec ce morceau, moi que j'adore, qui est Street Fighting Man. C'est pas le plus mauvais. Mais ouais. Et j'ai choisi la version live du coup de l'album qui rend compte de la tournée américaine de fin 69 qui s'est clos dans le sang et la fureur à Altamont. Oui. Voilà, avec ça, enfin voilà, le disque live Get Your Yeahs Out, enregistré au Madison Square Garden, qui est c'est un des meilleurs disques live de tous les disques live de tous les temps. À part celui des Soccer Fever qui va pas tarder là. Oui, c'est vrai, pardon, j'avais oublié. Oui, c'est ça, je me rappelle. Merci. Street Fighting Man, c'est les Rolling Stones. Bye. toujours ses fins un peu. Un peu. C'est ça, on sent qu'ils n'ont pas bien bossé les fins. Comme à chaque fois. T'as entendu le dernier morceau de Mick Jagger avec Dave Grohl? Oui, ça me dit quelque chose, ça. Oui. Très étrange. Très étrange. Très étrange, un peu punk, un peu, ouais. Un peu énervé, mais rigolo, le papy. C'était donc les Rolling Stones, c'était une belle renaissance qui, ouais. qui a porté ses fruits quelques années après derrière, quand même. Oh bah c'est oui c'est hein? Les meilleures années je trouve moi des ouais. Ouais. Bon. Alors là je pense qu'on va pas être copains parce que je pense que c'est je sais pas pourquoi tu vas peut-être me contredire mais je pense que c'est tout ce que tu détestes ce genre de choses. Bon. Mais quand on m'a dit renaissance ouais. Moi j'ai immédiatement pensé à Fleetwood Mac. Oui c'est tout ce que je déteste. C'est Fleetwood ça. Mac. On est d'accord. La première période. Ah bah la première période t'aimes bien mais là ça va être la deuxième mon petit gars puisque c'est la renaissance. C'est même avant, c'est même l'album d'avant. Alors bah là Fleetwood Mac première période effectivement du blues anglais ouais. De bonne facture avec Peter Green qui a quand même composé des morceaux comme Black Magic Woman ou des choses comme ça mais même des choses un peu plus rugueuses qui était donc un groupe de blues rock un peu flamboyant anglais et puis Peter Green comme plein de monde n'a pas sucé que des glaçons et il s'est un peu enfilé beaucoup de LSD, ça l'a un peu cramé. Et donc, bah voilà, le groupe explose et il se retrouve plus qu'à deux, c'est-à-dire le batteur, qui s'appelle Mike Fleetwood et comment il s'appelle, l'autre Mac? McVie, c'est ça. John McVie, je crois. Ouais. Et ils se disent, qu'est-ce qu'on va faire? Et ben, ils recrutent d'autres musiciens qui n'ont absolument rien à voir. En particulier Lindsey Buckingham, américain, je crois, si je ne m'abuse, qui dit, bah, moi, je viens avec ma meuf, alors, batteur du nom moyen, d'accord. Et donc, il arrive avec Stevie Nicks, et ils font un premier album, qui s'appelle, donc, Fleetwood Mac, avec une pochette très moche, hein, une pochette horrible. Et 1975, voilà, ça va casser la baraque, et il y aura l'album Rumors quelques années plus tard, qui pour moi est un chef-d'œuvre dans le style, de musique sucrée californienne, pourtant anglaise. On va se passer quand même un extrait de cet album, parce que je sais pas s'il y a quand même d'autres exemples dans l'histoire de la musique rock, d'un groupe qui s'est à ce point refondé, oui, c'est vrai. Qui a vraiment rien, qui garde le même complètement différent. Complètement différent. Le nom du groupe, c'est le bassiste et le batteur, ouais. Qui composent quasiment rien d'ailleurs. Et voilà, ça devient complètement autre chose. Donc là, c'est vraiment une renaissance. C'est le phénix qui va apporter du succès. Évidemment, les fans de première heure vont se retourner dans leur tombe, et d'autres bien plus nombreux d'ailleurs vont arriver pour cette deuxième. Alors moi, j'aime les deux périodes. Donc voilà, qui effectivement n'ont rien à voir. Voici un morceau de Stevie Nicks pour toi que je te dédicace, mon cher Sylvain. Ça me fait plaisir de te revoir. Il reviendra plus jamais. Ça s'appelle Rhiannon, donc. Alors si vous aimez Stevie Nicks et sa voix de vieille déjà quand elle était jeune, vous allez tomber à l'envers. Si vous n'aimez pas, c'est le moment d'aller boire un coup. Vous êtes dans The Rocks Renaissance. Voici Fleetwood Mac. Love you. 4 minutes, hein, Sylvain. Eh ben, c'est long, hein. 4 minutes seulement. C'était Fleetwood Mac donc avec Rhiannon, tiré de leur premier album Nouvelle Version de la Renaissance 1975. Et après, ils n'ont pas arrêté de s'engueuler, de se séparer, de se mettre des guitares à travers la tronche. Mais voilà, si on s'en aime ce style, c'est un bel album. C'est très bien réalisé. C'est propre. Ouais, mais au-delà de propre, enfin voilà, c'est. Non, non, c'est. Non, il y a des talents là, il y a des talents dans le style. Hein? Je pense que là, pour te venger, tu peux. Alors, qu'est-ce que tu pourrais me balancer? New Order. Si tu veux me faire mal, tu mets New Order. C'est exactement ce que j'avais. Je le sentais. Je sens pas le New Order. Tu lis dans mes pensées. New Order, avec la Renaissance qui suit la mort de Ian Curtis, qui était le chanteur de Joy Division. Sachant que New Order, bêtement aussi. Il a pris une corde, il a mis son cou autour et puis il a sauté. C'est pas bien. Il s'est pendu. Suicide malheureux, comme tous les suicides. Oui. Et d'autant plus malheureux que... Parce que si on se fait une émission thématique suicide heureux, je pense qu'on va en passer beaucoup de morceaux. Suicide qui survient au moment où Joy Division allait prendre une nouvelle ampleur en allant jouer aux États-Unis. Alors, on peut toujours tirer des plans sur la comète. On ne sait pas ce que serait devenu Joy Division, mais... Bon, les autres l'avaient un peu mauvaise, quoi. Un disque qui sortait, voilà... Bah, ils sont repartis, ils se sont dit, on continue, on va continuer la musique. Ils avaient des chansons qui étaient prêtes pour le disque suivant de Joy Division. Bon. Le batteur a dit, moi, ma copine fait du clavier, peut-être qu'elle pourrait venir. Le guitariste a dit, je vais essayer de chanter. Le premier disque de New Order, donc sorti, très vite après ce renouveau-là. Mais déjà un peu différent. Par rapport à Joy Division, ouais, ah oui. C'est quand même dans le sillage direct de Joy Division qu'il y a ce côté ouais. La basse, New Wave, la basse là, New Wave pop un peu souffreteuse, un peu cafardeuse, avec un chanteur qui s'essaie un peu à chanter comme Ian Curtis, quoi, comme feu Ian Curtis, avant d'explorer d'autres territoires. Enfin voilà, ouais, après le groupe a évolué vers quelque chose d'un peu électronique, un peu dance aussi. Enfin voilà. Moi, ce que je trouve, ce qui me touche énormément dans cette chanson en particulier, son titre déjà, qui est Dreams Never End, une espèce de comme ça de promesse, de voilà. Il y a ce côté très mélancolique, une espèce de lumière noire comme ça, avec en même temps une force vitale. Quelque chose d'assez accrocheur, d'assez prometteur aussi. C'est pas la Californie, hein, pour le coup. Non, là, ça on peut pas dire. C'est pas la Californie. Et c'est un, enfin, moi, c'est un, Dreams Never End, c'est un truc qui a tourné en boucle dans ma tête, pour, en faire après, The End Never Dreams. J'allais le dire, ah, tu me l'as enlevé, voilà. Hein, on retrouve. Une chanson de Sky Fever et un album de Sky Fever. Oui. Le miroir inversé de cette chanson un peu. Voilà. Bon, alors c'est parti. Je t'avoue que je l'ai plus trop dans l'oreille parce que a priori comme ça, je n'aime ni Joy Division ni New Order. Et ben voilà. Donc c'est parti. On va voir si je préfère Dreams Never End ou End Never Dreams. Je t'en parle juste après. Oh, The Cure. ça dure que 3 minutes, moi. Ça dure que 3 minutes. Alors, bah voilà, moi, je suis un grand fan de Cure depuis très longtemps, presque toute période confondue, on va dire, jusqu'à Disintegration. Et je comprenais pas pourquoi parce que ça, quand même, l'intro, enfin, c'est clairement, Robert Smith s'est bien inspiré de ça, quand même. Bah, c'est la voix, je crois, hein. Franchement, je crois que c'est la voix. Ce qui est compliqué pour moi. C'est un petit peu compliqué. Voilà. Mais bon, l'intro, ça le fait. C'est bien. Ouais, ouais. Après, bah, c'est de la Cold Wave, hein. C'est de la Cold Wave. Frisquette, hein. Je préfère End Never Dream. Eh ben, je l'ai sur ma playlist, figure-toi, de ce soir. Voilà. Donc je préfère. Vous êtes toujours dans On The Rocks. Alors, c'est plus court, hein, maintenant. C'est 1h30 On The Rocks, hein, donc c'est 20h30, ça se termine. Donc je vais un petit peu accélérer avec un morceau dans le côté renaissance. Alors pour l'instant, on nous parle que de chanteurs vieux ou des groupes, un peu des trucs un peu anciens quand même. On est un peu voilà. Et bon, on va se passer une nouveauté qui est sortie il y a quelques semaines. Alors c'est pas vraiment une nouveauté, c'est un petit peu triché. C'est tiré du dernier album d'Arnaud qui vient de sortir. Arnaud était vraiment pas très bien en point ces deux dernières années. Cancer, pas. Bon, il y a pas des concerts folichons, mais celui-là, franchement, il était un petit peu, voilà, gratiné. Et apparemment, tel un phénix, il s'en sort un petit peu. Il a ressorti un disque, il va refaire des concerts. Normalement, c'est programmé. Et donc, sur ce dernier album d'Arnaud, il reprend des anciens morceaux à lui, mais enregistrés avec Sofiane Pamart, qui est un pianiste qui vient du monde du rap. Pianiste virtuose qui a sorti un album instrumental qui est magnifique. Alors quand on voit les images de Sofiane Pamart, ça respire pas la modestie, hein, on sent qu'elle se prend pas pour la moitié d'une merde. Mais voici donc une version de Give Me The Gift, version piano-voix tirée du dernier album d'Arnaud. Et moi, ça me colle des frissons, ce morceau. Alors Arnaud, c'est souvent que ça me colle un peu des frissons, mais là, en sachant ce qu'il vient de traverser, en sachant que les mois à venir vont peut-être être compliqués, je trouve qu'il n'a jamais autant sonné comme du Tom Waits sur ce morceau. Je sais pas si t'as posé une oreille sur ce... J'ai entendu une chanson sur France Inter de ce disque-là. Ouais. C'est le Tom Waits francophone. C'est ça. Le Tom Waits, il vient d'où, lui? Ostende. Ouais. Voilà, pour celui qui a été le cuistot de Marvin Gaye, hein. Assistant, mais qui lui faisait bouffer. Je pense que c'était un peu les deux, quoi. C'était l'homme à tout faire. Voici donc Arnaud, ça c'est une belle renaissance avec Give Me The Gift, version piano-voix avec Sofiane Pamart derrière. I'm gonna lose my goddamn mind. Don't know what to do with the beast inside. Give me the gift to fly away. Give me the gift to fly away. All too much for me to see, and it hurts where aspirin can't reach. Give me the gift to fly away. Give me the gift. Thank you. peut-être bientôt une thématique sifflotement dans The Rocks. Ouais. Bon morceau quand même. Ouais, c'est magnifique. Magnifique, il l'a dit. C'est Sylvain des Soccer Fever qui l'a dit lui-même. On reparlera des Soccer Fever beaucoup dans The Rocks dans les mois à venir, parce qu'il va y avoir une avalanche de choses à venir, ouais. Des vidéos, des lives, des nouveaux albums. J'ai un message de Patrice qui me charge de rappeler à l'antenne que la playlist de Manu est en top du profil Spotify de Soccer Fever. C'est vrai ? Ouais. Et ben voilà. Je sais pas ce que, je sais pas ce que ça veut dire. J'allais dire, je sais absolument pas ce que ça veut dire. Mais dans le top 2, ça fait plaisir. Ça existe. Ça fait plaisir. Ouais. Merci. N'hésite pas à nous expliquer ce que ça veut dire, mais ça fait plaisir. Ça veut dire que c'est bien. Ça veut dire que c'est pas mal. Vous êtes toujours dans The Rocks pour encore un gros quart d'heure. Vous allez retrouver la rédac du sport derrière qui va enchaîner. Ça fait longtemps que j'ai pas vu un animateur derrière moi. Donc ça fait plaisir, surtout qu'il y aura des choses à vous raconter. Il y a du foot en ce moment. Ouais. Mais pour l'instant, c'est pas du foot. C'est Sylvain des Soccer Fever qui va nous parler un petit peu de rock'n'roll et de renaissance. Soccer Fever, moi je reste dans la thématique, je suis dans l'auto-célébration. Après Dreams that Never End, The End Never Dreams, donc une chanson de Soccer Fever en toute modestie. Pourquoi la Renaissance ? Pourquoi la Renaissance ? Parce que c'est une chanson. J'essaie quand même de trouver quelque chose, parce que ça va se voir là. Une chanson qui existait à l'état de titre dans ma tête pendant des mois, voire des années. Ah, t'avais le titre ? Je savais qu'il y aurait une chanson qui s'appellerait The End Never Dreams. Je savais à peu près de quoi ça allait causer. De la fin possible des choses, mais je savais pas quoi en faire d'autre. Enfin, je savais pas comment, quelle chair à mettre à ce squelette-là, à cette idée première. Alors, quel a été le déclic ? Le déclic, ça a été le visionnage d'un film que j'avais vu à 20 ans, un film qui doit dater de 95 à peu près, donc de Alan Parker qui s'appelait Au bon soin du docteur Kellogg. Oui, exact. Un film honnête, quoi. C'est pas le film du siècle. Qui est pas son meilleur. Qui est pas son meilleur, mais qui est un bon film. Et dans ce film-là, il y avait une actrice, dont j'ai oublié le nom, que je trouvais absolument magnifique, très jolie, enfin voilà. Et je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'elle est devenue, cette actrice ? Donc j'ai regardé, j'ai vu sa tête après, quoi. Et, ça fait mal, ça ? Ça faisait très mal, ouais. Ah, ça fait mal. Un recours à la chirurgie esthétique assez douloureux. Ça me rappelait Mickey Rourke un peu, enfin voilà, ce côté ange déchu un peu. Personne qui veut chercher on ne sait quoi et qui s'abîme, qui se détruit. Ah, c'est pas bien ça. En voulant se maintenir en fait. Donc ça m'a donné une sorte d'axe pour une chanson. Voilà, c'était un moment où le groupe était un peu à l'état de mort-vivant en fait. C'est-à-dire qu'on avait des chansons à mettre en place, mais ça fonctionnait pas. Enfin voilà, c'était compliqué. C'est l'époque où on est passé de 5 à 4. Et c'est une chanson en fait qu'on a fait après à 4, enfin qui était prête pour qu'on la monte à 5, qui était dans le c'était la suivante à venir, ouais. Et on l'a mise en place à 4 et ça parle de la fin en fait possible et qui était devenue la fin effective d'une époque. Et en même temps c'est une renaissance parce que du coup le groupe est reparti au plan créatif. Hein. Est reparti dans sa capacité à faire des chansons, à monter des chansons et voilà, et à enchaîner les chansons au fur et à mesure qu'elles arrivaient en fait. Voilà. Ça me donne envie de faire quelque. C'est passionnant ce que tu viens de raconter parce que de l'extérieur, on a l'impression que tout a été simple. C'est-à-dire que quand on entend vos morceaux, ouais. C'est la simplicité, et la joie qui domine. Ça serait pas mal qu'on se fasse une émission où on se replonge puisque c'est les 20 ans. Bah, je te propose, si ça t'intéresse, en septembre, ou l'envers du décor justement, que tu décortiques un petit peu certains morceaux emblématiques ou certains morceaux emblématiques pour toi, comme ce que tu viens de dire, ouais. Et que tu nous racontes un peu comment c'est né, comment les chaos, ça me plairait beaucoup ça. Ouais, il y a de quoi faire. Ouais. Ah, il y a de quoi faire. Eh ben, rendez-vous à la rentrée en septembre. Mais quand tu veux. Parce que pas d'émission cet été normalement, mais voilà, et on se fait ça et ça. Ouais, ça me passionnerait assez d'avoir l'envers du décor des Soccer Fever. Eh ben, on en a eu un aperçu. Choisis la liste des chansons, puis moi je te raconte tout ce qu'il y a derrière. Ah peut-être. D'accord. Ou alors c'est toi qui choisis les chansons où vraiment il y a des choses vraiment racontées. Ouais. Ok, ça m'intéresserait beaucoup. The End Never Dreams, ça sera sûrement mieux que du New Order. D'ailleurs, je le sais parce que je connais bien le morceau. So many nights Enfin, c'était pas de la belle renaissance, hein? Ben si, j'avais pensé, tu vois, aux Insus. Ou, bah oui. Oui, c'est ça, les Insus. Oui, c'est ça. J'allais dire les Insoumis, mais c'est autre chose. C'est autre chose. Bah voilà, c'était les Insus. Donc, évidemment, avec ce téléphone en 2017, quand même 64 ans, 63 ans, là, les papis. Oui. Et, ben voilà, j'en avais déjà parlé à ce micro, mais vraiment un retour vraiment gagnant pour moi, avec l'envie, la joie de jouer, même s'il y avait des raisons financières derrière, mais je crois qu'il y a surtout la joie de jouer. Et c'était tiré de leur live au Trabando, puisqu'ils avaient fait plein de morceaux qu'ils avaient joués sur les scènes de plus en plus grosses. Et ensuite, ça fait cric-cric dans les oreilles. Moi aussi, ça fait cric-cric. Et donc, ils avaient joué de façon inattendue tous les morceaux qui n'étaient pas dans leur setlist. Celui-là, on l'a pas beaucoup entendu. Bah ouais. Justement, c'est pour ça. Tous les autres morceaux, tous les morceaux les moins connus, ils n'ont joué que ça sur la scène du Trabando. Donc c'est une bonne idée aussi. Je crois que c'est Jean-Louis Aubert qui avait eu cette idée. Et bah voilà. Alors les Insus, ça a l'air d'être un petit peu au point mort, parce que mine de rien, Jean-Louis Aubert dit bah oui, mais malgré tout quand même, on s'était séparés pour une bonne raison. On avait quand même des divergences musicales, donc elles se sont retrouvées là. Partir quand même. Mais en tout cas, bah voilà, je suis content de les avoir vus sur scène, parce que c'était vraiment très très bien. Toujours Sylvain, juste avant Rémi qui est là, en chair et en os. Il a pas changé, je l'ai pas vu depuis 38 ans, mais ça va, pas trop. Non, ça va, on te reconnaît. T'avais la barbe la dernière fois. C'est ça. Eh bien, toujours dans cette émission spéciale Renaissance, avec peut-être ta dernière cartouche. Ma dernière cartouche. Bon, alors j'hésite entre ma cartouche rockab Brian Setzer ou ma cartouche ACDC quand même. ACDC évidemment. Petit ACDC pour Fafa qui écoute, il va être content. Ouais, bon, alors ACDC. Qui était assez évident quand même aussi pour moi quand on parle de Renaissance, parce que mine de rien. J'ai pas pensé à ça. Le chanteur qui décède étouffé par son vomi. Ça, c'est ballot. Ouais. Était-ce bien son vomi? Était-ce pas celui de vomi d'un autre? La police enquête encore. mais bon, voilà, du coup, le groupe un peu coupé dans son élan, parce que c'était déjà un groupe important. Ah bah, c'était 180, surtout, c'est-à-dire que l'album I Get Well les avait consacrés, quoi. À l'image des amis de New Order, ils se sont dit on va continuer, il nous faut juste un nouveau chanteur. Brian Johnson. Par contre, Brian Johnson, il a dit mais il y a une copine qui joue du clavier, ils ont dit non. Non. Alors je ne savais pas, Brian Johnson en fait avait déjà croisé Bon Scott, donc chanteur défunt, quelques années avant. C'est un roadie, je crois. Hein. Alors, c'était pas un roadie à un moment, il a pas fait jouer déjà dans un groupe. Mais il y a un côté un peu comme ça où il passait surtout du temps à pousser les caisses qu'à pousser la voix dans le micro. Donc, album dans la foulée, Back in Black, avec cette noirceur, mais finalement, on est quand même content de jouer la musique. Puis c'est ACDC, donc trois accords, une petite mélodie braillarde, et puis c'est reparti, quoi. Ouais. Avec cette chanson. Leur plus grosse vente, je crois, cet album. Oui, mais même phénoménal, puisque j'ai regardé hier, pas plus tard qu'hier, en fait, ça a été pendant longtemps le deuxième album le plus vendu après Thriller. Ah oui. C'est fou. Ah oui. C'est dingue. Alors, Fafa, on a acheté la moitié, faut le savoir. D'accord. C'est pour ça. D'accord. Avec une chanson que je trouve qui ressemble à Slade, je sais pas si c'est un groupe que tu connais. Oui, un petit peu, c'est vrai. Oui. Côté, allez, remonte les manches, et puis on y va, une bonne binouse, et puis on chante ensemble. Pour moi, c'est la meilleure de l'album, celle-là. Ouais, il y a un côté un peu poppy, finalement. Ouais, c'est vrai. Poppy avec des débardeurs et des tatouages, quoi. Ouais. C'est ça. C'est ça. C'est bien résumé. Donc You Shook Me All Night Long, et c'est un des rares morceaux. Je trouve que Brian Johnson chante pas mal. Il chante pas mal. Bah c'est déjà ça. C'est déjà pas mal. C'est vrai. Sinon c'est pas. Sinon c'est moyen. Ça crie. Je préférais le vomi de l'autre. Ouais. Voici donc You Shook Me All Night Long, tiré de l'album Back in Black, 1980 aussi, me semble-t-il. 80, ouais, je crois. C'est ça. Et voilà. Et donc merci beaucoup, mon cher Sylvain, parce que je pense qu'on n'aura pas l'occasion de se dire merci après, puisque Rémi va sauter sur le micro comme un mort de faim, parce qu'il n'a pas fait d'émission depuis 37 ans. 8 mois. Donc c'est parti, et on se retrouve, donc rendez-vous Cochons qui sont dédiés en septembre pour une émission spéciale, mais les dessous de ce qu'il fait voir, les dessous. Je peux pas voir le slip de Sam, c'est pas, ça m'intéresse pas. Pourquoi pas. Alors là, je te souhaite bon courage. Ça peut être l'image de l'émission. Il y a une histoire sur les dessous de Samuel. Eh ben, on en parlera aussi, puis tu peux m'envoyer des photos, ça sera les photos pour annoncer l'émission. On t'embrasse, Samuel. C'est parti, voici ACDC, You Shook Me All Night Long, la semaine prochaine dans The Rocks, la dernière de l'émission, de la saison, pardon, c'est bête, justement, moi je reprends, je m'arrête. C'est bête, hein. Et je reviendrai en septembre. C'est parti, et c'est pour tous les fafas du monde. Et c'est pour nous aussi. Merci Sylvain. Et bientôt. Merci à toi. À bientôt. Salut.